n'y a plus d'amour à donner. J'étais seul, tu n'étais pas là. Tu parles trop, mais dis-moi qu'est-ce que tu connais. Tu sais tout, mais tu n'étais pas là. Si on t'a vu, ne fais pas l'air étonné. Ne dis pas que tu n'étais pas là. T'es pas la belle taille comme un poney. J'avais pas et tu n'étais pas là. Pour l'oublier, on va danser. Pour l'oublier, on va danser. Alcoolisé pour s'ambiancer. Alcoolisé pour s'ambiancer. Faut pas forcer, solo oser. Faut pas forcer, solo oser. Faut tout seul, c'est dur d'avancer. J'étais seul, tu n'étais pas là. Besoin de personne pour te lancer. Suffit de commencer par commencer. J'ai tout contesté mais t'as balancé. Quand j'ai pardonné t'as recommencé. C'est fini, y'a plus d'amour à donner. Comme si les sentiments s'étaient envolés. J'fume dans la frappe pour décoller. J'scoque le béton comme si j'étais collé. Mon cas c'est pas les couilles, là j'suis posé. Après des trois verres tu te mets à causer. Ça fait des coups en douce à la sauce. Personne viendra te remplir le gosier. Si tu tombes il faut te relever. Rien ne sert d'avoir les bras levés. On veut des sommes sur le relevé. Mais le matin c'est dur de se lever. Cœur blessé n'a plus d'amour à donner. J'étais seul, tu n'étais pas là. Tu parles trop mais dis-moi qu'est-ce que tu connais. Tu sais tout mais tu n'étais pas là. Si on t'a vu ne fais pas l'air étonné. Ne dis pas que tu n'étais pas là. T'es pas la belle taille comme un poney. J'avais pas rien, tu n'étais pas là. Pour l'oublier, on va danser. Pour l'oublier, on va danser. Alcoolisé pour s'ambiancer. Alcoolisé pour s'ambiancer. Faut pas forcer, solo oser. Faut pas forcer, solo oser. Faut tout seul, c'est dur d'avancer. J'étais seul, tu n'étais pas là. Ils sont prêts à tout pour la monnaie. Mais ne mettez pas de blanche dans vos nez. Changement de puce, numéro erroné. Fallait faire à d'autres potos car nous on la connaît. Parfois rien ne sert de parler. Pour mener rien, j'irai faire les choses. Même quand ça va pas, ça va aller. Même si t'es seul, tu peux faire les choses. Compte que sur toi pour avancer. Cœur blessé n'a plus d'amour à donner. On sait que personne n'est parfait. Mais parfois faut savoir pardonner. On se fait du mal pour être bien. Sans faire la différence du bien et du mauvais. Même ceux qui te connaissent bien peuvent te lâcher pour délover. Cœur blessé n'a plus d'amour à donner. J'étais seul, tu n'étais pas là. Tu parles trop mais dis-moi qu'est-ce que tu connais. Tu sais tout mais tu n'étais pas là. Si on t'a vu ne fais pas l'air étonné. Ne dis pas que tu n'étais pas là. Fais pas la belle taille comme un poney. J'avais pas rien, tu n'étais pas là. Pour oublier, on va danser. Pour oublier, on va danser. Alcoolisé pour s'ambiancer. Alcoolisé pour s'ambiancer. Faut pas forcer, solo oser. Faut pas forcer, solo oser. Moi tout seul, c'est dur d'avancer. J'étais seul, tu n'étais pas là. J'étais seul, tu n'étais pas là. J'étais seul, tu n'étais pas là. J'étais seul, tu n'étais pas là. J'étais seul, tu n'étais pas là. Cœur blessé n'a plus d'amour à donner. J'étais seul, tu n'étais pas là. Tu parles trop, mais dis-moi qu'est-ce que tu connais. Tu sais tout, mais tu n'étais pas là. Si on t'a vu, ne fais pas l'air étonné. Ne dis pas que tu n'étais pas là. Fais pas la belle taillée comme un poney. J'avais pas rien, tu n'étais pas là. J'étais seul, tu n'étais pas là. J'étais seul, tu n'étais pas là. J'étais seul, tu n'étais pas là. J'avais pas rien, tu n'étais pas là.